Les pieds en l'air sur les terres belles, un genou s'il vous plaît, un jeune une jeunette, des hirondelles ses faveurs qu'elle nous prête. Je vais pas la confesser, si elle demande d'exécuter, je ferai. Sans grand discours, j'irai. Un genou, s'il vous plaît. Un jeune une jeunette. Si matricule passilée. Au fond de la serviette, acculée. Immaculée, désarmée. À dos de lime, je frette des convois de tous les côtés. Je ramasse mes asperges, un jeune s'il vous plaît, un jeune une jeunette, je pourrais en rêver désespérément. Jusqu'à la nuit tombée sur elle. Un jeune s'il vous plaît. Un jeune un jeune s'il vous plaît. Un jeune aimer. Est-ce que ça te fait peur le monique? La la la, sinon manger le mot rose. La la la, c'est peut-être pas le bon moment. La la la, faut pas choper le mot rond. La la la, ça doit pas te faire mal le but. La la la, c'est planter du Molière. La la la, faut pas que c'est mon las. La la la, tous ces momies sont monastiques. La la la, et pense au mouillet. La la la, pour les guerriers, un mot char. La la la, faut pas moucher le mot héron. La la la, les vieux ont besoin du mot électricité. La la la, au lieu d'aller au mot clé. La la la, va plutôt au mot cou. La la la, j'ai oublié le mot amorce. La la la, le mot rue. La la la, les os salés, pas facile d'écrire sans le mot ambique. La la la. Est-ce que ça te fait peur le monique? La la la, sinon j'ai le mot rose. La la la, c'est peut-être pas le bon moment. La la la, faut pas choper le mot rond. La la la, est-ce que ça te fait peur le monique? Je te propose de faire une pause. Une pause avant que Jacques t'oublie. Est-ce que ça te fait pas le bon moment? La la la, avec faut pas choper le mot. Yves a bien du mal à traverser. Dans les clous, il a mal, est-ce que ça te fait mal? Il a bien du mal à traverser dans les clous.